Tu es à présent sur British Connection, la dernière aventure du monde civilisé, et tu n'en sortiras pas vivant. Salut, c'est Emmanuel Chirage dans British Connection. Je suis journaliste musique, mais pas que, j'ai fait plein d'autres choses évidemment. Mais il se trouve que j'ai notamment écrit deux bouquins sur le rock pour l'éditeur Le Mot et le Reste. Dont Covers, une histoire de la reprise dans le rock. À l'époque, en fait, c'était en 2008. L'éditeur est venu nous chercher parce qu'il voulait des auteurs français qui écrivaient sur le net. Et comme on avait un webzine qui s'appelle Inside Rock et que finalement on faisait des choses pas mal et qu'on avait une volonté en fait à l'époque de pas faire que de la critique d'albums un peu plan-plan, on essayait de faire des choses un peu différentes, d'avoir des angles un peu nouveaux, de prendre voilà, différentes portes d'entrée dans la musique. Ça lui a plu, il a proposé à plusieurs d'entre nous d'écrire et dont voilà, moi de poursuivre un article que j'avais écrit sur les reprises et d'en faire un bouquin. Parce qu'il y avait tout à fait la matière. Moi, ça me permettait de parler de plein de choses différentes, de tout ce que j'aime dans la musique, de traverser toute l'histoire du rock. Parce que voilà, moi, à la base, je suis pas un obsessionnel de la reprise. C'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est le rock en soi que j'aime, c'est les artistes. Et finalement, ça me permettait de faire ça. Voilà. Et donc, c'est grâce à ce webzine et un peu à notre ambition qu'on a fini par le décliner en bouquin. Et alors il y avait un artiste qu'on avait beaucoup chez Inside Rock et qui est décédé il n'y a pas longtemps. On l'aimait tous vraiment énormément. C'est Mark Langan, voilà, qui est un chanteur incroyable, qui a fait des albums solo, qui a joué avec des groupes, qui a fait des participations à des grands disques et qui a fait un disque de reprise en 1999 qui s'appelle I'll Take Care of You. C'est un disque incroyable qui s'ouvre sur une reprise du Gun Club, Carry Home. Qui est complètement réinventé parce que voilà, ça passe de l'électrique à l'acoustique, on n'a pas du tout la même ambiance et c'est voilà, c'est particulièrement bouleversant à écouter aujourd'hui. Come down to Willow Garden with me. Come go with me. Come go and see. Although I've howled across fields and my eyes turn gray, are you still the same? Are you still the same? Survive the heat of my hand, my burning hand, my sweating hand. Your love never survived the heat of my heart, my violent heart in the dark. Still the same. It's on the rock, British Connection. Donc le livre, il offre un vrai panorama sur toute l'histoire du rock. On commence évidemment avec même la naissance du rock qui est né avec des reprises, puisque Elvis Presley, quand il arrive, le but de Sam Phillips, c'est de lui faire reprendre un mélange de country et de rhythm and blues, donc de faire des reprises d'un genre noir et d'un genre dit blanc. Et avec cette vision de se dire ça va être un succès commercial, l'histoire va lui donner raison. Et grâce à Elvis Presley, qui était lui-même une vraie éponge, qui connaissait très bien les deux, on va dire les deux cultures musicales, ça lui a permis effectivement de réaliser ce rêve de démiurge, de créer un nouveau genre, le rock'n'roll. Donc on a ce point de départ. Après, par exemple, dans ce chapitre, on peut continuer avec la musique noire qui, à son tour, va utiliser les reprises de musique de grands tubes pop blancs pour conquérir ce public blanc, parce que pendant longtemps il y avait une vraie ségrégation entre les deux circuits blancs et noirs dans la musique américaine, et ça va petit à petit, ces barrières vont se briser avec le rock. Ça va prendre du temps, hein, puisque Otis Redding, par exemple, quand il reprend Satisfaction, qui devient vraiment une superstar pour le public blanc, c'est la fin des années 60, c'est 67 je crois. Donc voilà. Et on a un panorama de toute cette histoire. On passe par le folk notamment, j'en parle parce qu'on va écouter une reprise d'un vieux morceau traditionnel cajun qui s'appelle Belle, qui n'a pas vraiment d'auteur d'ailleurs, je pense, et qui a été repris par le groupe Moriarty. C'est intéressant parce que c'est un groupe qui est dans cette démarche vraiment très, très intéressante de refaire vivre tout un patrimoine pour que ce patrimoine, ce répertoire de chansons ne soit pas oublié. Et c'est quelque chose de la culture folk qui est très spécifique au folk, voilà, et que je trouve passionnant, et cette reprise est vraiment très très belle, donc on va l'écouter. Si j'ai une belle ici, belle, c'est par rapport à toi, belle. Si j'ai une belle ici, belle, c'est par rapport à toi, belle. J'ai pris mon char ici, belle, pour m'en emmener au Texas, belle. J'ai pris mon char ici, belle, pour m'en emmener au Texas, belle. Ça faisait juste 3 jours, belle, que j'étais là-bas, belle. J'ai su une lettre de toi, belle, que t'étais bien malade, belle. Que t'étais bien malade, belle, en danger de mourir, belle. Que t'étais bien malade, belle, en danger de mourir, belle. Sans connaissance, belle. Quand j'arrivais à toi, belle, t'étais sans connaissance. J'hypothéquais mon cheval, belle, pour te sauver la vie, belle. J'hypothéquais mon cheval, belle, pour te sauver la vie, belle. Aussi j'ai plus Henry, belle, c'est pas ta voix aimée, belle. Aussi j'ai plus Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Alors le livre Covers, une histoire de la reprise dans le rock, a été réédité en 2015 parce que j'ai décidé d'ajouter un chapitre notamment sur l'évolution de la musique et notamment internet et YouTube, parce que le moteur de recherche de YouTube et aujourd'hui de toutes les plateformes, tous les moteurs de recherche favorisent un petit peu l'émergence du truc le plus populaire. Donc on va chercher quelque chose et puis ça fait effet boule de neige. Donc on a ce truc de reprise de tubes populaires qui est la porte d'entrée pour beaucoup d'artistes dans la musique aujourd'hui parce qu'ils ont bien compris que mettre leur création, personne n'allait tomber dessus par hasard sur YouTube. Donc tout le monde, c'est le passage obligé de faire ce type de reprise. Donc on a aujourd'hui finalement des milliers de versions, hein. On tape le nom de n'importe quel tube sur YouTube, on va tomber sur des... Vous rajoutez cover à la fin, guitare ou des choses comme ça, vous allez tomber sur des centaines, des milliers de versions. Alors évidemment là, l'autre défi c'est de sortir du lot, donc évidemment les gens vont chercher l'originalité, on a plein de types de reprises différents. Donc là on est sur quelque chose qui est... une contrainte, voilà, le structurel du système aujourd'hui de comment fonctionne la musique. Est-ce que ça crée quelque chose, on va dire, d'intéressant d'un point de vue musical? C'est un autre débat. Je suis pas certain que ça ait forcément un intérêt, on va dire, en termes de création. En revanche, ça a un intérêt pour la culture musicale des gens. Ça permet de faire vivre des choses, ça permet de faire vivre des communautés autour d'un certain type de musique. Aujourd'hui, j'ai oublié le nom, mais il y a un groupe de jeunes Australiens, ils sont très très jeunes, ils reprennent plein de morceaux de rock, soit en acoustique, soit en électrique. Ils font ça de manière très très fidèle à l'original, souvent. Ils font beaucoup de grunge des années 90, ils étaient même pas nés à cette époque, hein. Donc ça, c'est très intéressant. Grâce à YouTube, on a finalement à des gens qui font vivre une musique qui n'est plus la musique la plus importante aujourd'hui, mais qui finalement continue, est devenue quelque chose de classique. On a le rock des années 90, c'est devenu un genre classique, mais qui doit vivre encore. Donc ça, pour ça, on a besoin de passeurs. Donc ces jeunes Australiens sont des passeurs, quelqu'un a dû leur passer cette musique, j'imagine, dans leur famille. Et aujourd'hui, ils font des centaines, des millions de vues sur YouTube, et ils font plaisir autant à des gens qui ont connu l'époque qu'à des gens qui la connaissent pas. Ça c'est vraiment un truc intéressant sur, on va dire, la nouvelle génération. Ce truc de passeur, de faire passer finalement le message, et notamment dans une époque où aujourd'hui, même si tout est accessible, finalement il y a trop de choses. Donc c'est un truc qui a toujours existé, ce truc de savoir faire le tri et d'aller vulgariser la musique, d'aller expliquer, d'aller montrer cette musique aux gens. Donc on a cette phase de la... Voilà, on a cette facette qui est hyper intéressante. Et ensuite, on a toujours, toujours finalement ce rôle identitaire dans la reprise. Ça reste, c'est quelque chose qui finalement permet aux gens de se situer, de dire qui ils sont. Et autant pour un jeune artiste, d'aller chercher un vieux morceau de rock, c'est une manière aussi de dire, de se décaler peut-être aujourd'hui. Voilà, d'amener quelque chose en plus. Et ça peut être aussi pour un groupe ancien, comme je pense aux Black Keys, qui a sorti Delta Crime récemment, un album de reprise du blues du Mississippi. Après avoir un peu dérivé vers des continents plus pop et soul, voilà, plus commerciaux, clairement, on leur a un peu reproché, ils l'ont fait avec plus ou moins de réussite. Mais en tout cas, là, du coup, clairement, ça permet de dire, on revient aux sources, voilà qui nous sommes. Même, je pense, pour un groupe, c'est une manière aussi de revenir aux bases, et ça, à mon avis, c'est assez salvateur. Donc là, et puis ça se sent, c'est aussi, ça permet de prendre du plaisir, de peut-être se mettre moins la pression. C'est comme ça que je le vois. Donc on va se quitter d'ailleurs avec un morceau de ce disque très, très électrique, très hypnotique, un peu proche de leur début justement, mais avec plus d'ambition, plus de moyens. Ça fait penser un peu à Electric Mud de Muddy Waters aussi, ce côté presque psychédélique. On a, et donc on va écouter, avant de se quitter, Going Down South, une reprise vraiment très très belle de R.L. Burnside. You are listening to British Connection, the best radio rock show in the galaxy. We'll be right back. y en a marre de ces radios qui se disent rock. British Connection, au moins c'est rock. Rock and roll. ZZ, et puis il y avait également ce groupe, c'était des potes, hein, s'appelaient Nast, ils ont sévi de 2004 à 2009, ils ont d'ailleurs fait les premières parties des Vampas, de The Kill, et ce titre emblématique, Mauvais Garçon. Salut, ici c'est Christophe d'Oslo Tropic, on vous fait un petit message depuis notre lieu de concert du jour, pour vous inviter à écouter maintenant notre nouveau single Les Chaînes Info dans British Connection. À très bientôt, ciao. Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. La deuxième partie de l'album de la semaine, c'est celui des Burning Heads, Torch of Freedom. Je vous offre tout de suite un exemplaire de leur album. Vous laissez un message privé via la page Facebook de British Connection. Tirage au sort après le morceau. Alors, le morceau Guardef and Nasty. Bien sûr, on fait référence aux deux auteurs du bouquin Hey You, une histoire orale des Burning Heads. Les deux auteurs qui ont travaillé pendant 3 ans à interviewer plus de 100 personnes et d'essayer d'avoir un maximum d'anecdotes sur la vie de ce groupe. Donc forcément, moi, venant d'arriver, me retrouvant également dans leur bouquin, je n'ai qu'une envie, c'est de lister toutes les qualités qu'il a fallu qu'ils travaillent pour faire ce pavé de 550 pages. Et puis, de le mettre en chanson sur un morceau plutôt speed, plutôt énergique, ce qui leur va bien, je trouve. Voilà. On peut plus fumer dans les bars. On nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour. On peut plus rouler avec tous ces radars. Les impôts augmentent sans arrêt. Mais bon sang, bientôt, on va payer pour respirer. Oh, au moins, quand j'écoute British Connection, je passe un bon moment. Je découvre de sacrés bons groupes et c'est gratos. British Connection, votre émission rock, est partenaire du festival Motocultor, la 13e édition. C'est le 18, 19, 20 et 20 août prochain à Saint-Nolfe dans le 56, avec des groupes comme The Hives, The Libertine, The Opposition, The Young God, les Ramoneurs de Menhir et bien d'autres. Et bien, l'émission vous offre vos invitations pour deux. Vous laissez vos coordonnées en message privé via la page Facebook de British Connection. Tirage au sort. À la fin de cette émission, vous serez quelques-uns à gagner vos invitations pour deux. Allez, on se quitte et dans un instant, on se retrouve pour la deuxième heure British Connection avec les 180 secondes du micro jaune et notre cher Rémi. Et puis, elle est de retour, Emma et son WhatsApp, Grisgar.